professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment passe-t-on de la mobilité des chercheurs à l'exil des savants au XXe siècle, ces réfugiés peu ordinaires ? Comment physique quantique, découverte de la superfluidité et autres propriétés surprenantes de l'hélium, tisse-t-elle à côté de l'histoire des avancées révolutionnaires de la science contemporaine, celle de scientifiques confrontés à la montée des périls, xénophobie, antisémitisme, course à l'armement et à la Seconde Guerre mondiale? Quelle est la parole du déraciné, le géant des mathématiques, Alexandre Grothendieck? Cette semaine et la suivante, nous vous proposons de suivre l'approche interdisciplinaire des mouvements de population, volontaires ou contraints, dans le cadre du colloque du Collège de France, Migration, Réfugiés, Exil. Aujourd'hui et demain, le questionnement sur les effets des contacts entre migrants et sociétés se posera sous les notions d'asile et de refuge. Sébastien Balibard, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du laboratoire Pierre Aigrin à l'École normale supérieure, en s'appuyant des travaux de l'historienne des sciences Diane Dossot, nous présente différents scientifiques liés au mécénat anglais et au Front populaire. Contexte mobilité universitaire avec le Canadien Jack F. Allen, qui fait ses recherches à Cambridge sur la superfluidité, et contexte montée des périls politiques avec le Russe Piotr Kapitsa, constructeur du liquéfacteur pour l'hélium, et surtout ses deux personnages principaux dans cette aventure collective, Fritz Landon, constructeur de la physique quantique avec Erwin Schrödinger, qui fuit l'antisémitisme nazi, et le physicien Laszlo Tisza, qui lui fuit les persécutions politiques de son pays, la Hongrie. Tous deux ont bénéficié du comité d'accueil et d'organisation du travail des savants étrangers, où se sont engagés Louis Rapkin, Paul Langevin, Edmond Bauer notamment, Frédéric et Irène Joliot-Curie. Cela a permis, nous dit Sébastien Balibard, la rencontre fructueuse des deux réfugiés en France ainsi que leur nouvel exil aux États-Unis, Fritz Landon dès septembre 1939, Laszlo Tisza de justesse en mars 1941. Fresque collective entre plusieurs pays pour Sébastien Balibard et plongée dans un itinéraire individuel pour le mathématicien Alain Cohn, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'analyse et géométrie. Il nous propose en deuxième partie une lecture sensible des écrits d'Alexandre Grothendieck qui revient sur sa relation aux mathématiques et sur une illumination de son père. Sa relation aux mathématiques, au-delà de la rencontre avec un milieu respectueux dans un contexte d'après-guerre plus ouvert, s'est-elle nourrie aussi du parcours révolutionnaire et errant de ses parents originaires d'Europe de l'Est dans la période agitée et conflictuelle du premier XXe siècle ? De son parcours d'enfance de l'Allemagne à la France, comme réfugié, au réfugié en lui-même, comme le qualifie Alain Cohn quand Alexandre Grothendieck, l'auteur admiré des éléments de géométrie algébrique et de nombreuses notes, se retire du monde dans un village d'Ariège dans les années 1970, que pouvons-nous apprendre dès lors de ce créateur mathématicien atypique ? Et nous retrouvons tout de suite Sébastien Balibard au Collège de France le 13 octobre 2016, savant réfugié, comment la physique quantique devint visible à l'œil nu. Je souhaite pour commencer remercier Patrick Boucheron et Alain Prochian qui me donnent l'occasion de vous raconter une histoire. Cette histoire a une préhistoire. La préhistoire se passe en 1932 au Canada, où Monsieur John McLennan découvre qu'un liquide extrêmement froid, c'est de l'hélium liquide à 2,2 degrés absolus, c'est-à-dire à moins 271 degrés habituels Celsius. Donc il découvre que l'hélium liquide a deux comportements différents. Au-dessus de 2,2 Kelvin, donc à 2,3, quand on le chauffe un peu avec cette résistance chauffante, vous voyez que l'hélium liquide dans ce vase en verre bouillonne comme tout liquide classique qu'on chauffe un peu. Mais dès qu'on passe en dessous de 2,2 Kelvin, eh bien, il s'établit une sorte de calme extraordinaire. On a beau chauffer, ça s'évapore par l'eau, mais ça ne bouillonne pas. Et donc, c'était la première découverte des propriétés bizarres de ce liquide. Quelques années après, à Cambridge, en Angleterre, Jack Allen, Rudolf Peierls et Houdin découvrent que ce liquide froid conduit encore mieux la chaleur que le cuivre, ce qui est franchement extrêmement étonnant. Bon. Donc on a l'impression que ce liquide passe d'un état désordonné à un état ordonné, mais de quel ordre pouvait-il bien s'agir ? Les gens n'avaient aucune idée à l'époque de ce que ça pouvait être. Alors je saute quelques années et j'arrive en janvier 1938, où la revue Nature, que vous connaissez certains d'entre vous très bien, publie deux articles côte à côte, page 74, page 75. Le premier article concerne toujours cet hélium en dessous de cette température critique. Monsieur Kapitsa, Piotr, à Moscou, nous explique qu'il a réussi à faire couler de l'hélium liquide à travers une fente extrêmement fine, parce qu'entre deux disques polis pressés l'un contre l'autre, et que cet hélium semble passer au travers de cette micro-fente extrêmement facilement, comme s'il n'avait aucune viscosité. Et c'est pour ça qu'il invente un mot qui restera, il qualifie ce liquide froid étrange de superfluide. Et puis sur la page d'en face, page 75, donc deux chercheurs de Cambridge, Jack Allen, dont j'ai déjà dit le nom, et Donald Meissner, font des études du même liquide très froid en le faisant s'écouler le long de capillaires, donc de tubes très fins, et ils mesurent la pression nécessaire pour que ça coule et la vitesse à laquelle ça coule en fonction du diamètre. Et ils s'aperçoivent, aux surprises, que la vitesse à laquelle ça coule semble indépendante et du diamètre et de la pression, ce qui à nouveau viole toutes les lois de l'hydrodynamique classique qu'on pouvait connaître à l'époque. Donc c'est eux qui découvrent en fait que ce liquide est absolument, disons, non classique. Alors, avant d'aller plus loin, qui sont ces gens ? Piotr Kapitsa, donc, est né en Russie, et assez jeune, en 1921, il a émigré en Angleterre, à Cambridge, au laboratoire de Ernest Rutherford, père de la physique nucléaire, extrêmement célèbre au moins chez les physiciens, prix Nobel 1908. Et dans ce laboratoire, il a tellement de succès que Rutherford décide en 1933 de construire un laboratoire entier qui est à Cambridge grâce à un don d'un mécène qui est la famille Monde qui ont fondé et présidé les Imperial Chemical Industries qui est un trust chimique considérable. Donc dans ce laboratoire construit pour lui, ce russe immigré en Angleterre construit ce qui est nécessaire pour faire des études de l'hélium liquide, c'est-à-dire commencer par liquéfier le gaz. Ça s'appelle un liquéfacteur. Ce liquéfacteur marche pour la première fois le 19 avril 1934. Et quelques mois à peine plus tard, Piotr Kapitsa va à Saint-Pétersbourg, qui devait s'appeler Petrograd à l'époque, parce que c'est le centenaire de Mendeleïev. Et donc, il arrive là-bas, et là, Staline le prend au mot, parce que Kapitsa était un peu prétentieux, il avait tendance à vanter ses propres talents, et lui dit, si vous êtes si fort, alors il faut dévouer votre talent à la construction de l'URSS. Et donc, Kapitsa est interdit d'immigration, séquestré. Alors ensuite, que se passe-t-il ? Eh bien, entre 1934 et 1937, Kapitsa, qui avait donc son caractère, obtient de Staline la construction d'un autre institut dans lequel il faut qu'il recommence beaucoup de choses, y compris construire un nouveau liquéfacteur, parce que Rutherford, qui n'était pas bête, a gardé à Cambridge pour s'en servir le premier liquéfacteur que Kapitsa avait construit en Angleterre. Donc ça prend 3 ans, et au bout de 3 ans, eh bien, il écrit l'article que je vous ai montré tout à l'heure, et il allait obtenir le prix Nobel pour ça 40 ans plus tard, ce qui est un peu tard. Mais je n'ai pas le temps, c'est dommage, mais d'entrer dans beaucoup de détails, et je continue. Donc, les auteurs de l'article d'en face. Eh bien, Jack Allen, c'est plus simple. Lui, il était Canadien, donc immigré à son tour, mais dans le sens Canada-Angleterre. Et c'est lui qui, avec un autre physicien sur lequel je reviendrai tout à l'heure, Rudolf Peierls, est recruté par le même Rutherford à Cambridge, tout simplement pour remplacer Kapitza, qui avait été séquestré par Staline. Donc il est là, il fait venir un autre jeune étudiant canadien qui s'appelle Don Meisner, et c'est tous les deux qui publient l'article de la page 75 où ils font cette étude qui démontre que ce liquide n'est absolument pas classique. Donc ensuite, Jack Allen est nommé professeur en Écosse à St. Andrews, et là il passe sa retraite à filmer l'hélium superfluide, un film historique magnifique. Et puis il meurt à St. Andrews tranquillement en 2001. En somme, c'est une immigration réussie. Alors, on était en janvier 1938, et en février 1938, à peine un mois après, le même Jack Allen, cette fois avec Harry Jones, découvre ce qu'on appelle l'effet fontaine. Alors, c'est ici, toujours extrait du film de Jack Allen plus tard, c'est une bouteille ouverte en haut, avec en bas un bouchon en rouge de joaillier compressé, donc une poudre très fine. Donc, c'est un bouchon poreux, à travers lequel, quand l'hélium est liquide et normal, il ne coule absolument pas. Mais dès qu'il est superfluide, il coule très vite et il suffit de chauffer un peu pour provoquer cette jolie fontaine. Enfin, moi, je la trouve jolie en tout cas. Donc, qu'un liquide, sous prétexte qu'on le chauffe d'un côté d'un bouchon poreux, se mette à jaillir comme une fontaine, ça, à nouveau, c'est totalement incompréhensible à l'époque. Et c'est ce qui déclenche le travail de mon premier réfugié à Paris, qui s'appelle Fritz London. Et lui-même, le 5 mars, donc on est à peine 3 semaines après la publication du précédent, de l'Institut Henri Poincaré, où visiblement il travaille, le 5 mars, Fritz London envoie une lettre à Nature qui est immédiatement publiée et dans laquelle il propose une idée extrêmement difficile à admettre et révolutionnaire qui est la suivante. Il explique que l'ordre qui envahit ce liquide à basse température est sans doute un ordre quantique, donc difficile à comprendre pour le grand public, mais je vais essayer. Il s'agit de la condensation de Bose-Einstein. Alors, Einstein, en 1924, à partir des travaux de Bose, a pensé que les particules, donc les atomes par exemple, sont aussi des ondes, c'est l'un des fondements de la mécanique quantique, et qu'à basse température, ces ondes peuvent se superposer de manière cohérente, de telle sorte que l'ensemble de la matière devient une onde macroscopique où les atomes sont indiscernables parce que c'est des ondes superposées. Je vois qu'on dit « oui, ça me fait plaisir, je me dis que je suis compréhensible ». Et donc, c'est ça la condensation de Bose-Einstein, c'est le rassemblement d'atomes quantiques dans un même état qui forme une onde collective. C'était un peu difficile à croire, et Einstein lui-même a écrit en 1924, après son calcul, à son ami Ehrenfest, que die Theorie ist hübsch, ça veut dire la théorie est jolie en allemand, y a-t-il vraiment quelque chose de vrai là-dedans? Autrement dit, il n'y croyait pas vraiment. London, lui, a pensé que c'était ça l'explication de ce changement de propriété de ce liquide très froid. Et donc, la physique quantique ne serait pas seulement une théorie qui permet de comprendre la structure microscopique des atomes, mais aussi des propriétés de quantité macroscopique, un litre d'hélium. Alors, qui était Fritz London? À chaque fois, je vais vous faire un petit portrait. Fritz London était né à Breslau. Breslau, c'est en Prusse orientale, je crois, c'est devenu Wrocław en Pologne. Et il avait rejoint Schrödinger, immense fondateur de la physique quantique, à Berlin, mais en fait, à Berlin, il travaille avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Heitler, ne pas confondre bien sûr avec Hitler. Ils arrivent à comprendre pour la première fois comment deux atomes d'hydrogène se réunissent pour faire une molécule H2. Autrement dit, c'est lui qui, grâce à la mécanique quantique, fonde la chimie quantique qui est la chimie moderne. Donc, c'est loin d'être rien, surtout à 27 ans. Et il continue à travailler, il fait aussi de la philosophie et de la physique, sauf qu'en 1933, Hitler prend le pouvoir, en janvier, les lois anti-juives en avril, Fritz London s'enfuit sans sa famille, ce qui lui pose des problèmes personnels terribles, mais il se réfugie à Oxford, en Grande-Bretagne. Pourquoi Oxford? Parce qu'à Oxford, il y a un autre personnage, il y en a beaucoup, hein, prenez patience. Un autre personnage extraordinaire qui s'appelle Frédéric Lindemann, qui va devenir Lord Sherwell et qui sera le conseiller de Churchill pendant la guerre. Et donc Frédéric Lindemann voulait construire un laboratoire de physique des basses températures parce qu'il avait l'intuition que c'était un domaine riche. Et donc, il est allé à Berlin et à Breslau, en somme, faire son marché, c'est-à-dire chercher des scientifiques disponibles pour venir à Oxford et fonder ce laboratoire pour l'avenir de la recherche en Grande-Bretagne. Et c'est ainsi qu'il recrute Franz Simon, qui en allemand se prononce ainsi, j'espère, et qui sera plus tard Sir Francis Simon en anglais. Puis Kurt Mendelssohn, qui est un lointain cousin des deux compositeurs Fanny et Félix Mendelssohn, Nicolas Curti, qui est hongrois, et Heinz London, qui est le jeune frère de Fritz London. Et il réussit donc finalement à attirer Fritz London en lui offrant une bourse de 3 ans. Donc on commence à toucher comment on accueille les réfugiés étrangers dans un pays. Eh bien en Angleterre, c'est relativement facilité, disons, par le mécénat de ce Imperial Chemical Industries de Ludwig et Robert Mund, qui sont les mêmes que ceux qui avaient construit le laboratoire de Capizza dont j'ai parlé juste avant. Donc Fritz London arrive en Angleterre en 1933. Et là, il fait comme beaucoup de scientifiques, c'est-à-dire qu'il voyage, et en particulier, il vient à Paris, à l'invitation d'Émile Borel, qui dirige l'Institut Henri Poincaré, de Paul Langevin et du directeur de son laboratoire, Edmond Bauer, qui l'invite aussi à faire des conférences, mais cette fois au Collège de France, qui n'est pas loin, comme vous le savez. Et malheureusement, en 1936, eh bien, la bourse de l'ICI prend fin. La bourse anglaise est terminée, c'était pour 3 ans, il n'avait pas prévu davantage. Et ils n'ont rien d'autre à lui offrir. Et heureusement, la France prend le relais. C'est-à-dire que Bauer, Edmond Bauer, offre à Fritz London une bourse d'un comité sur lequel je vais revenir, mais qui s'appelle le Comité français pour l'accueil et l'organisation du travail des savants étrangers. Et donc, grâce à cette bourse, ils arrivent à attirer Fritz London, à l'accueillir comme nouveau réfugié, mais cette fois à Paris. Et donc il s'installe, il est heureux, sa femme Edith est une peintre cubiste heureuse dans le milieu parisien de l'époque. Et le 1er janvier 1937, en fait, il a une bourse de maître de recherche à la CNRS. Parce que Jean Perrin a créé le CNRS en plusieurs étapes, et il y a une époque où c'était la caisse et pas encore le centre. Toujours est-il que ce CNRS en formation permettait justement l'emploi d'étrangers, ce que ne permettait pas la fonction publique obligatoire et son sorte de carcan à l'époque, qui gérait les postes de professeurs dans l'université. Donc grâce à tout ça, cette conjonction à laquelle je vais y revenir, Fritz London a de quoi travailler tranquillement. Il passe un doctorat en sciences pour être promu directeur de recherche. Il est promu directeur de recherche. Ici, son jury de thèse, Louis de Broglie, Eugène Bloch, qui dirigeait le laboratoire de physique à l'École normale supérieure, et Francis Perrin, le fils de Jean Perrin. Donc tout semble bien. Vous avez remarqué au passage que les savants réfugiés ne sont pas des réfugiés ordinaires, parce qu'ils ont, grâce à la communauté internationale, des contacts internationaux. Donc ils sont invités et accueillis. Ce n'est pas des réfugiés anonymes, bien sûr. Je crois néanmoins que l'examen de leur trajectoire, si on peut dire aussi, de leur voyage, est intéressant. Donc Fritz London entame sa collaboration avec un autre réfugié qui sera mon deuxième savant réfugié à Paris. Et puis je saute sur la fin avant de revenir sur mon deuxième personnage. En septembre 1939, c'est la déclaration de guerre. London et sa femme se réfugient aux États-Unis, où Paul Gross, qui est un chimiste qu'il a rencontré quand il était de passage au Collège de France, le Collège de France va apparaître partout, vous allez voir, l'invite sur un poste de professeur de chimie théorique à Duke, où il sera un peu malheureux. Il regrette le Paris des intellectuels en Caroline du Nord. Et puis, le 30 mars 1954, il meurt prématurément d'une maladie de cœur. Et c'est sans doute ce qui explique qu'il n'a pas eu le prix Nobel. Et donc, je continue avec Laszlo Tisza. Qui était Laszlo Tisza? Eh bien, c'était un Hongrois né à Budapest. Il a fait ses études auprès des meilleurs physiciens en Allemagne. Et en 1934, les ultranationalistes hongrois l'accusent de connaître des communistes, ce qui lui vaut 1 an de prison. Donc, il est en prison, il sort, et grâce à un autre de ses amis, Eduard Teller, il réussit à aller en post-doc se réfugier chez Lief Landau. Alors, Lief Landau, c'est le génie de la physique, j'ose pas dire soviétique à cause de ce qui va suivre, parce que en 1937, le régime stalinien se durcit. Landau a écrit un tract où il comparait Staline à Hitler. Ça n'a pas beaucoup plu au NKVD, ancêtre du KGB, qu'il a donc arrêté. Et il s'en est sorti de justesse par toute une histoire qu'une fois de plus, je n'ai malheureusement pas le temps de vous raconter. Et donc Tissa, à ce moment-là, se réfugie à nouveau, mais cette fois au Collège de France, on y revient, grâce à une bourse de la CNRS. Et donc il s'installe ici parce que ses amis hongrois, Teller et Szilard, l'ont recommandé à Fritz London, donc à Edmond Bauer. Et là, il rencontre Michel Magath. Donc il est au Collège de France, c'est pas loin de l'Institut Henri Poincaré, ils travaillent ensemble avec London, et là, Tissa, à son tour, a une idée révolutionnaire qui est la suivante. Il développe l'hypothèse de London, et ce faisant, il invente ce qu'on appelle le modèle à deux fluides. Donc il explique que pour comprendre l'effet Fontaine dont je vous ai parlé, il faut accepter l'idée que ce liquide est un mélange de deux liquides, en fait. Et bien sûr, l'alcool et l'eau sont miscibles, donc ça fait un liquide homogène, sauf que les molécules d'alcool et les molécules d'eau ne peuvent pas se déplacer indépendamment les unes des autres. Dans ce modèle, au contraire, il imagine que ces deux fluides, un peu compliqués à vous expliquer, peuvent se déplacer l'un sans l'autre, et à partir de ça, il explique, comme un effet thermomécanique, mais passons, ce qu'est l'effet Fontaine. En somme, ceci est extrêmement difficile à croire à nouveau. London lui-même n'y croit pas, mais l'avenir leur donnera raison. Et effectivement, grâce à ces deux travaux, la physique quantique saute du microscopique au macroscopique, et c'est ceci que je considère comme une avancée fondamentale. Alors, la suite de Laszlo-Tissa est non moins instructive. En effet, en 1939, bien sûr, c'est la déclaration de guerre, et là, Tissa veut montrer son attachement à la France contre les nazis, et pour ce faire, il s'engage volontaire, en fait, dans la Légion étrangère pour défendre la France. Sauf qu'il est réformé pour raison de santé en décembre, puis affecté au laboratoire des poudres, où il travaille avec l'autre réfugié, Magath, à l'optimisation des carburants pendant quelques temps. Et puis, rapidement, c'est la débâcle, en juin 40, et donc le Collège de France, à nouveau, à savoir Jacques Adamard, professeur célèbre de mathématiques, et sa fille Jacqueline, qui est chercheur dans le laboratoire de Langevin, prennent les deux Tissa, parce que Tissa est marié, sous leurs ailes, et les emmènent à Toulouse, où le laboratoire s'est replié. Vous voyez, c'est bon, pas facile quand même. D'autant plus que le régime de Vichy s'installe, les emplois publics sont interdits aux non-français et aussi aux Français nés de père étranger. Vous voyez qu'il y avait deux sortes de Français à l'époque. Qu'à cause de l'armistice et de son article 19, la France s'engage à livrer à l'occupant nazi les réfugiés autrichiens et allemands internés dans des camps, plus les lois anti-juives, etc. Donc Tissa, il est tard pour s'enfuir, sa bourse CNRS est évidemment suspendue, et en mars 41, enfin, il réussit, par des tours de force incroyables, à obtenir un visa d'émigration, à arriver aux États-Unis, tout ça grâce à son ennemi Edward Teller, à traverser l'Espagne, le Portugal, embarquer à Lisbonne, enfin vous voyez, et il arrive à New York, et là ça se calme, il est nommé instructeur au MIT pour remplacer des enseignants, comme beaucoup de réfugiés français à l'époque d'ailleurs, pour remplacer des enseignants qui étaient mobilisés dans l'effort de guerre. Il est nommé full professeur et il meurt à 101 ans à Cambridge, le Cambridge des États-Unis. Cette tâche canonique m'a permis de le rencontrer dans des circonstances très émouvantes. Alors, je continue parce que j'ai cité le comité d'accueil, etc. Et ce comité d'accueil est très intéressant. Il a été fondé par Louis Rapkin, dont voici un des éléments de biographie. Donc, Louis Rapkin était encore un réfugié, un savant réfugié. Lui, il était biologiste, né en Biélorussie. Il avait fait des études au Canada. Il est revenu à Sorbonne, y compris des stages l'été à Roscoff, puis au Collège de France, toujours à la pointe de l'accueil des étrangers. Et grâce à une bourse de la Fondation Rockefeller, donc vous voyez à nouveau des mécénats privés, il peut travailler, il est l'adjoint de René Wurmser à l'IBPC. Et puis, en juillet 36, le gouvernement de Front Populaire est élu et prend la direction de l'État. Et en particulier, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, et Irène Joliot-Curie, première sous-secrétaire d'État à la Recherche, déclare d'utilité publique le comité créé par Rapkin pour accueillir les étrangers. Il le crée d'ailleurs sur le modèle de l'équivalent anglais qui s'appelle à l'époque le Academic Assistance Council et qui deviendra l'actuel CARA, Council for At-Risk Academics. Et donc le soutien du gouvernement est crucial à ce moment, d'abord parce que il faut se battre contre les discours xénophobes, antisémites de toutes sortes. Ensuite, parce que ça favorise l'apport de mécénats privés. Et donc, grâce à tout ça, le comité peut effectivement accueillir de nombreux réfugiés en France. Et c'est parce que tout ça n'existait pas avant que la France est en retard de 3 ans sur l'Angleterre dans ce problème. Alors il faut voir aussi que Rapkin, étant étranger, n'a pas le droit d'avoir la moindre action politique, donc il agit dans l'ombre dans toute cette lutte. Il ne sera naturalisé que plus tard. Et donc le comité d'accueil en question est hébergé à l'Institut de biologie physico-chimique, qui est présidé par Jean Perrin et Georges Urbain. Et c'est ces noms-là qui apparaissent sur les papiers, pas celui de Rapkin. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que la déclaration de guerre fait que les savants qui s'étaient réfugiés en France, ou les savants français qui s'étaient menacés, par exemple, parce qu'ils étaient d'origine juive, s'enfuient à nouveau ailleurs. Alors, il y a ceux qui partent en Angleterre, et sur ce point-là, je voudrais insister sur Alban et Kowarski. Donc le 18 juin 1940, c'est aussi la date du fameux appel de Gaulle, bien sûr, mais le 18 juin 1940, eh bien, grâce à Lord Suffolk, un Anglais qui organise ce bateau charbonnier, 50 scientifiques français s'enfuient vers l'Angleterre, dont Alban et Kowarski. Alors qui sont Alban et Kowarski? Eh bien, ce sont deux autres réfugiés qui travaillent dans le laboratoire de Frédéric Joliot, à nouveau au Collège de France. Ils font de la physique nucléaire, et c'est eux que Joliot-Curie, demande de transporter en Angleterre les précieux 185 kilos d'eau lourde qui permettent de faire des expériences sur la physique nucléaire. Alors l'histoire de l'eau lourde, de sa guerre, etc., mériterait une heure de débat. Et donc je vous signale simplement ce genre de choses qui se passent à ce moment-là. Il y a ceux qui partent vers les États-Unis, donc London et Tizard, j'en ai déjà parlé, mais il faut voir qu'entre-temps, Louis Rapkin, qui était en France pour son comité d'accueil, est parti en Angleterre avec Henri Laugier, d'ailleurs, le directeur du CNRS naissant, et puis ensuite, assez vite, quitte Londres pour New York sur invitation, toujours la même chose de la Fondation Rockefeller, parce qu'il faut, pour obtenir un visa d'émigration, il faut être invité par quelqu'un. Et donc ils arrivent à New York et là ils recommencent leur travail qui est d'un autre genre. Ils s'emploient à accueillir des réfugiés aux États-Unis et c'est eux qui aident à l'exil avec leur famille, ils insistent là-dessus, de nombreux physiciens célèbres comme Pierre Auger, Jean-Yves Francis Perrin, Léon Brillouin, du chimiste Bertrand Goldschmidt, des mathématiciens Mandelbrot, André Weil, etc. Donc il fait un travail considérable d'accueil des réfugiés français ou passés par la France vers les États-Unis. Et puis il y a ceux qui décident de résister en France, au premier rang desquels Frédéric Joliot-Curie, Edmond Bauer au Collège de France, qui est occupé, donc ça aussi c'est toute une histoire dont il faudrait donner les détails. Langevin reste en France, il est révoqué, incarcéré, placé en résidence surveillée, et puis il y a de nombreux malheureux savants qui vont être déportés, torturés, exécutés. Autrement dit, résister en France, c'était pas facile. Parmi ces réfugiés, nombreux étaient ceux qui voulaient participer à l'effort de guerre allié afin de se défendre contre les nazis et leurs alliés. Alors, l'histoire de la participation des savants à la bombe, je la résume de façon abusive, mais elle commence sans doute par la lettre de deux réfugiés aux États-Unis qui sont Einstein et Szilard. Donc Szilard, je l'ai déjà nommé, c'est donc un Hongrois, Einstein, tout le monde le connaît. Et donc ils écrivent tous les deux assez tôt, c'est-à-dire le 2 août 1939 à Roosevelt, en lui disant « Attention, il nous semble possible que les nazis soient en train de construire une arme de destruction massive, on pourrait dire aujourd'hui, mais enfin disons d'une puissance colossale par rapport à tout ce qu'on connaît, qui est la bombe atomique ». Ça a abouti à la création du projet Manhattan, que vous savez, où Oppenheimer sera le directeur scientifique. Vont participer à l'effort militaire sur la recherche nucléaire de nombreux autres réfugiés, dont le Hongrois von Neumann, qui a calculé la hauteur optimale à laquelle lâcher la bombe pour que son effet soit maximal. Et beaucoup d'autres participent au projet Manhattan. Et puis la suite, eh bien, malheureusement, vous la connaissez au moins en partie, sauf qu'il y a avant Hiroshima et Nagasaki, le 6-9 août, eh bien, il y a le 16 juillet 1945, un test d'une bombe au plutonium dans le Nouveau-Mexique qui montre la puissance colossale de cette bombe atomique, même si depuis on en a fait qui sont des milliers de fois plus puissantes encore. Et donc le lendemain de ce test, Szilard, toujours le même Szilard qui en fait était pacifiste, avec 70 participants du projet Manhattan, réclame qu'on s'en tienne à la dissuasion, qu'on nous montre la puissance de cette arme, mais qu'on ne s'en serve pas, en particulier, contre les Japonais. Alors leur avis ne sera pas suivi, et la bombe explosera, Quelle est la responsabilité des scientifiques? À mon avis, elle est totale, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Et donc, on en parlera au prochain colloque si vous m'invitez. J'ai fini, sauf trois petites phrases. La première, c'est qu'aujourd'hui, les universités et le CNRS recrutent de nombreux étrangers, surtout en sciences exactes, mais qu'on a fait beaucoup de progrès de ce côté-là en mettant des exceptions à la condition de nationalité, etc. Et enfin, alors là, j'ai hésité, mais j'ai fait le plus court possible. L'accueil des réfugiés, eh bien, de mon point de vue, c'est un devoir moral et humanitaire. D'une actualité criante, faut-il le répéter? Le Moyen-Orient, j'aurais dû ajouter, et l'Afrique. J'ajoute le changement climatique parce que je m'intéresse beaucoup au changement climatique et je crois que le changement climatique, dans les quelques décennies qui viennent, vont provoquer la migration de centaines de millions de gens, ce qui n'est pas rien. Voilà, j'ai fini et je vous remercie de votre attention. C'était Sébastien Balibar, savant réfugié, comment la physique quantique devint visible à l'œil nu. Et tout de suite, nous retrouvons Alain Cohn, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'analyse et géométrie, pour sa contribution « Alexandre Grothendieck, créateur réfugié en lui-même ». Alexandre Grothendieck était un géant des mathématiques, un mathématicien français qui est mort il y a 2 ans, en novembre 2014, et j'ai donné pour titre « Alexandre Grothendieck, le créateur réfugié en lui-même ». Ce que j'avais en tête en donnant ce titre, c'était son parcours de son enfance de réfugié, de sa créativité prodigieuse, à la fois mathématique et littéraire, et puis de cette deuxième moitié de sa vie, qui l'a amené dans les 25 dernières années à se réfugier en lui-même dans un petit village des Pyrénées, celui de La Serre, où il a écrit 35 000 pages. La correspondance entre Jean-Pierre Serre et Alexandre Grothendieck, qui a été publiée sous forme d'un magnifique volume, montre bien comment leurs idées ont bouleversé la géométrie algébrique. Elles témoignent d'une profonde amitié et de l'esprit qui était celui de Bourbaki dans ces années-là. Un dévouement sans borne à la beauté des maths, complètement débarrassé de tout individualisme. Après un épisode de découragement dû à la mort de sa mère en 1957, Grothendieck a eu une période de créativité rayonnante qui a abouti en particulier à la notion de topos. Cette notion était implicitement présente dans un article qui, au départ, était, entre guillemets, une emmerdante rédaction destinée à Bourbaki et qui, en fait, lorsqu'elle a été publiée, a rendu fameux le journal dans lequel elle a été publiée, au point que l'on désigne l'article simplement sous le nom de Tohoku. Le journal s'appelle Tohoku Mass Journal. S'y côtoyait déjà, donc là je vais vous parler un petit peu de maths, mais ça ne durera pas très longtemps. Donc s'y côtoyait déjà les catégories de diagrammes et celles de faisceaux d'ensemble, mais Grothendieck n'avait pas encore dégagé le principe nouveau qui permette d'englober ces deux exemples comme cas particulier d'un même concept, celui de topos. Donc écoutons-le. En fait, je passerai la plus grande partie de mon exposé à citer du Grothendieck. Donc écoutons Grothendieck. Le point de vue et le langage des faisceaux introduits par Le Ray nous a amené à regarder les espaces et variétés en tout genre dans une lumière nouvelle. Il ne touchait pas pourtant à la notion même d'espace, se contentant de nous faire appréhender plus finement, avec des yeux nouveaux, ces traditionnels espaces, déjà familiers à tous. Or, il s'est avéré que cette notion d'espace est inadéquate pour rendre compte des invariants topologiques les plus essentiels qui expriment la forme des variétés algébriques abstraites. Pour les épousailles attendues du nombre et de la grandeur, c'était comme un lit décidément étriqué où l'un seulement des futurs conjoints, à savoir l'épousé, pouvait à la rigueur trouver à se nicher tant bien que mal, mais jamais les deux à la fois. Le principe nouveau qui restait à trouver pour consommer les épousailles promises par des fées propices, ce n'était autre que ce lit spacieux qui manquait aux futurs époux sans que personne, jusque-là, ne s'en soit seulement aperçu. Ce lit à deux places est apparu comme par un coup de baguette magique avec l'idée du topos. C'est le thème du topos et non celui des schémas qu'est ce lit ou cette rivière profonde où viennent s'épouser la géométrie et l'algèbre, la topologie et l'arithmétique, la logique mathématique et la théorie des catégories, le monde du continu et celui des structures discontinues ou discrètes. Si le thème des schémas est comme le cœur de la géométrie nouvelle, c'était une invention de Grothendieck aussi, le thème du topos en est l'enveloppe ou la demeure. Il est, donc c'est toujours Grothendieck qui parle, bien entendu, ce que j'ai conçu de plus vaste pour saisir avec finesse, par un même langage, riche en résonance géométrique, une essence commune à des situations des plus éloignées les unes des autres, provenant de telle région ou de telle autre, du vaste univers des choses mathématiques. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, Grothendieck a fait une découverte extraordinaire. Il a dévoilé un concept d'une portée incomparable, à la fois par la richesse infinie des espaces qu'il permet de recouvrir, mais aussi et surtout parce qu'en fait, si vous voulez, il montre comment, quelle est la vraie nature d'un espace géométrique qui doit servir simplement à un espace de paramètres pour un ensemble variable. Et alors, une des merveilleuses découvertes, justement, de la notion de topos, c'est que quand on travaille dans un topos, c'est exactement comme si on travaillait dans la théorie des ensembles, sauf que l'on ne peut plus appliquer la règle du tiers exclu. On ne peut pas raisonner par l'absurde, mais tout raisonnement intuitionniste continue à marcher. Donc, on a ainsi un exemple merveilleux d'un concept issu des mathématiques pures, mais dont la portée, ne serait-ce que par ses relations avec la logique, n'est plus limitée à ce domaine des sciences. Par exemple, si vous voulez, la notion de vérité devient une notion beaucoup plus subtile dans un topos. Et bon, je veux dire, c'est une notion qui devrait être beaucoup plus connue qu'elle ne l'est. Alors j'en viens, je passe maintenant, donc c'est fini pour la partie mathématique, je passe à la relation de Grothendieck avec le monde des mathématiciens, qui est en fait l'un des thèmes principaux de Récolte et Semaille. Écoutons-le à nouveau. Donc voilà ce que dit Grothendieck. Le moment me semble venu de m'exprimer au sujet de ma relation au monde des mathématiciens. C'est là une chose toute différente de ma relation aux mathématiques. Celle-ci a existé et a été forte dès mon jeune âge, bien avant même que je me doute qu'il existait un monde et un milieu des mathématiciens. Tout un monde complexe, avec ses sociétés savantes, ses périodiques, ses rencontres, colloques, congrès, ses prima donna et ses tâcherons, sa structure de pouvoir, ses éminences grises et la masse non moins grise des taillables et corvéables, en mal de thèses ou d'articles, et de ceux aussi, plus rares, qui sont riches en moyens et en idées, et se heurtent aux portes closes, désespérant de trouver l'appui d'un de ces hommes puissants, pressés et craints, qui disposent de ce pouvoir magique, faire publier un article. J'ai découvert l'existence d'un monde mathématique en débarquant à Paris en 1948. Donc Grothendieck est né en 1928, à l'âge de 20 ans, avec dans ma maigre valise une licence S-Sciences de l'Université de Montpellier et un manuscrit aux lignes serrées, écrit recto verso, sans marge, le papier était cher, représentant 3 ans de réflexion solitaire sur ce qui, je l'ai appris plus tard, était alors bien connu sous le nom de théorie de la mesure ou de l'intégrale de Lebesgue. J'avais jonglé avec les ensembles que j'appelais mesurables, sans avoir rencontré d'ailleurs d'ensemble qui ne le soit, et avec la convergence presque partout, mais j'ignorais ce qu'était un espace topologique. Je n'avais pas entendu prononcer encore, dans un contexte mathématique du moins, des mots étranges ou barbares comme groupe, corps, anneau, module, complexe, homologie, et j'en passe, qui soudain, sans gré et gare, déferlaient sur moi tous en même temps. Le choc fut rude. Si j'ai survécu à ce choc et continué à faire des maths, et en faire même mon métier, c'est qu'en ces temps reculés, le monde mathématique ne ressemblait guère encore à ce qu'il est devenu depuis. Il est possible aussi que j'avais eu la chance d'atterrir dans un coin plus accueillant qu'un autre de ce monde insoupçonné. J'avais une vague recommandation d'un de mes professeurs à la faculté de Montpellier qui avait été un élève de Cartan. Comme Élie Cartan était alors déjà hors-jeu, son fils Henri Cartan fut le premier congénère que j'ai eu l'heure de rencontrer. Je ne me doutais pas alors à quel point c'était d'heureux augure. Je fus accueilli par lui avec cette courtoisie empreinte de bienveillance qui le distingue, bien connue des générations de normaliens qui ont eu cette chance de faire leurs toutes premières armes avec lui. Alors à l'époque, donc, j'avais été voir M. Leray au Collège de France pour lui demander, si je me rappelle bien, de quoi traiterait son cours. Je ne me rappelle ni des explications qu'il a pu me donner, ni si j'y ai compris quoi que ce soit, seulement que là aussi je sentais un accueil bienveillant s'adressant au premier étranger venu. C'est cela et rien d'autre, sûrement, qui a fait que je suis allé à ce cours et m'y suis accroché bravement, comme au séminaire Cartan, alors que le sens de ce que Leray y exposait m'échappait alors presque totalement. La chose étrange, c'est que dans ce monde où j'étais nouveau venu et dont je ne comprenais guère le langage et le parlais encore moins, je ne me sentais pas un étranger. Alors que je n'avais guère l'occasion de parler, et pour cause, avec un de ces joyeux lurons, je me sentais pourtant accepté, je dirais même presque un des leurs. Je ne me rappelle pas une seule occasion où j'ai été traité avec condescendance par un de ces hommes, ni d'occasion où ma soif de connaître, et plus tard, à nouveau, ma joie de découvrir, se soit trouvée rejetée par une suffisance ou par un dédain. S'il n'en avait été ainsi, je ne serais pas devenu mathématicien, comme on dit. J'aurais choisi un autre métier où je pourrais donner ma mesure sans avoir à affronter le mépris. Alors qu'objectivement, j'étais étranger à ce monde, tout comme j'étais un étranger en France, un lien pourtant m'unissait à ces hommes d'un autre milieu, d'une autre culture, d'un autre destin, une passion commune. Je doute qu'en cette année cruciale où je découvrais le monde des mathématiciens, un d'eux percevait en moi cette même passion qui les habitait. Le respect de la personne faisait partie de l'air que j'y respirais. Il n'y avait pas à mériter le respect, faire ses preuves avant d'être accepté et traité avec quelque aménité. Chose étrange peut-être, il suffisait d'être une personne, d'avoir un visage humain. Donc, Grothendieck continue, il faut savoir que Grothendieck a quitté délibérément le monde mathématique vers 1970. C'est ce qu'il appelle le grand tournant. Ce n'est qu'après le grand tournant de 1970, le premier réveil, devrais-je dire, que je me suis rendu compte que ce microcosme douillet et sympathique ne représentait qu'une toute petite portion du monde mathématique et que les traits qu'il me plaisait de prêter à ce monde, que je continuais à ignorer, auxquels je n'avais jamais songé à m'intéresser, étaient des traits fictifs. Au cours de ses 22 ans, donc entre 48 quand il est arrivé à Paris et 70, ce microcosme lui-même avait d'ailleurs changé de visage, dans un monde environnant qui lui aussi changeait. Moi aussi, assurément, au fil des ans, et sans m'en douter, j'avais changé, comme le monde autour de moi. Je ne sais si mes amis et collègues s'apercevaient plus que moi de ce changement dans le monde environnant, dans leur microcosme à eux et dans eux-mêmes. Je ne saurais dire non plus et comment s'est fait ce changement étrange. C'est venu sans doute insidieusement, à pas de loup. L'homme de notoriété était craint. Moi-même était craint. Sinon par mes élèves ou mes amis, ou par ceux qui me connaissaient personnellement, du moins par ceux qui ne me connaissaient que par une notoriété et qui ne se sentaient pas eux-mêmes protégés par une notoriété comparable. J'ai pris connaissance de la crainte qui sévit dans le monde mathématique qu'au lendemain de mon réveil, d'il y a bientôt 15 ans. Donc, quand il a écrit « Récolte et semaille », et le sens de récolter semailles, c'est exactement ça. Il a récolté ce qu'il a semé. C'était en 85, 15 ans après. Pendant les 15 ans qui avaient précédé, progressivement et sans m'en douter, donc ça c'était avant 70, j'étais entré dans le rôle du grand patron, dans le monde du wo is wo mathématique. Donc, si vous voulez, ça c'est un résumé de ce qui est dit dans le sujet principal de récolter semailles, bien sûr, qui est le rapport de Grothendieck au monde mathématique. Je passe à un texte absolument essentiel, un autre texte de Grothendieck qui s'appelle « La clé des songes ». Et quand j'ai préparé cet exposé, je relisais « La clé des songes » et je me suis aperçu d'une chose, j'ai compris en fait que sans le savoir et sans le vouloir, j'avais, en donnant mon titre, laissé entrouverte la possibilité d'une interprétation complètement différente qui touche en fait au cœur de l'ouvrage qui est la clé des songes, où le mot créateur apparaît dans un sens que je vous laisse deviner au fil de ma lecture de son témoignage. Et je vais vous lire le témoignage de Grothendieck. On a beaucoup entendu parler de l'enfance de Grothendieck, etc. Mais bien sûr, et il vaut beaucoup mieux entendre ce qu'il lui-même a à en dire. Donc je vais vous lire le témoignage de Grothendieck sur son enfance qui est dans la clé des songes. J'ai vécu les 5 premières années de ma vie auprès de mes parents et en compagnie de ma sœur à Berlin. Donc c'est Grothendieck qui parle, bien entendu. Mes parents étaient athées. Pour eux, les religions étaient des survivances archaïques et les églises et autres institutions religieuses des instruments d'exploitation et de domination des hommes. Religion et église étaient destinées à être balayées sans retour par la révolution mondiale qui mettrait fin aux inégalités sociales et à toutes les formes de cruauté et d'injustice et assurerait un libre épanouissement de tous les hommes. Cependant, comme mes parents étaient tous deux issus de familles croyantes, cela leur donnait une certaine tolérance vis-à-vis des croyances et pratiques religieuses chez autrui, ou vis-à-vis des personnes de religion. C'était pour eux des personnes comme les autres, mais qui se trouvaient avoir ce travers-là, un peu anachronique, il fallait bien dire, comme d'autres avaient aussi les leurs. Mon père était issu d'une famille juive pieuse dans une petite ville d'Ukraine, Novozibkov. Il avait même un grand-père rabbin. La religion ne devait pourtant pas avoir beaucoup prise sur lui, même dans son enfance. Très tôt déjà, il se sentait solidaire des paysans et petites gens, plus que de sa famille de classe moyenne. À l'âge de 14 ans, il prend le large pour rejoindre un des groupes anarchistes qui sillonnaient le pays en prêchant la révolution, le partage des terres et des biens et la liberté des hommes. De quoi faire battre un cœur généreux et hardi, c'était en Russie tsariste en 1904. Et jusqu'à la fin de sa vie encore, et envers et contre tout, il s'est vu comme, il s'appelait Sacha Piotr, c'était là son nom dans le mouvement, anarchiste et révolutionnaire, dont la mission était de préparer la révolution mondiale pour l'émancipation de tous les peuples. Pendant 2 ans, il partage la vie mouvementée du groupe qu'il avait rejoint, puis cerné par ça, alors on était en 1906, cerné par les forces de l'ordre, et après un combat acharné, il est fait prisonnier avec tous ses camarades. Tous sont condamnés à mort, et tous, sauf lui, sont exécutés. Pendant 3 semaines, il attend jour après jour qu'on l'emmène au peloton. Il est finalement gracié à cause de son jeune âge, et sa peine commuée en celle de prison à perpétuité. Il reste en prison pendant 11 ans, de l'âge de 16 ans à l'âge de 27 ans, avec des épisodes mouvementés d'évasion, révolte, grève de la faim. Il est libéré par la Révolution en 1917, puis participe très activement à la Révolution en Ukraine, surtout où il combat à la tête d'un groupe autonome de combattants anarchistes, bien armés en contact avec Makhno, le chef de l'armée ukrainienne de paysans. Condamné à mort par les bolcheviks et après leur mainmise sur le pays, il quitte le pays clandestinement en 1921 pour atterrir d'abord à Paris, tout comme Makhno. Au cours des 4 années écoulées d'activité militante et combattante intense, il a d'ailleurs une vie amoureuse assez tumultueuse, dont est issu un enfant, mon demi-frère Dodel. C'est bien sûr Grotendi qui parle. Dans l'émigration, d'abord à Paris, puis à Berlin, puis à nouveau en France, il gagne sa vie tant bien que mal, comme photographe ambulant qui lui assure son indépendance matérielle. En 1924, à l'occasion d'un voyage à Berlin, il y fait la connaissance de celle qui devait devenir ma mère. Coup de foudre de part et d'autre, ils restèrent indissolublement attachés l'un à l'autre, pour le meilleur et surtout pour le pire, vivant en union libre jusqu'à la mort de mon père en 1942 en déportation à Auschwitz. Je suis le seul enfant issu de cette union en 1928. Ma sœur, de 4 ans mon aînée, était issue d'un précédent mariage. Ma mère est née en 1900 à Hambourg d'une famille protestante assez aisée qui avait connu un déclin social inexorable tout au cours de son enfance et de son adolescence. Comme mon père, elle avait une personnalité exceptionnellement forte. Aussi bien ma mère que mon père avaient des dons littéraires remarquables. Chez mon père, il y avait même là une vocation impérieuse qu'il sentait inséparable de sa vocation révolutionnaire. D'après les quelques fragments qu'il a laissés, je n'ai pas des doutes qu'il avait l'étoffe du grand écrivain. En fait, si vous réfléchissez, vous allez voir que Grotendieck a réalisé ce que son père n'avait pas eu le temps de faire, c'est-à-dire cette écriture. Et s'il laissait sa vie et sa force se faire grignoter par les petitesses de la vie des migrants, c'est qu'il était de connivence. Et ma mère aussi avait des dons bénis qui la prédestinaient à de grandes choses. Mais ils ont choisi de se neutraliser mutuellement dans un affrontement passionné sans fin. L'un et l'autre vendant son droit d'aînesse pour les satisfactions d'une vie conjugale pavoisant au grand amour, aux dimensions surhumaines, et dont ni l'un ni l'autre jusqu'à leur mort n'auront garde de mettre à jour la nature et les vrais ressorts. Après l'avènement d'Hitler en 1933, mes parents émigrent en France, terre d'asile et de liberté, pendant quelques années encore, en laissant ma sœur d'un côté à Berlin, moi de l'autre, à Blancanèze, près de Hambourg. Donc Grotendieck a passé 6 ans de sa toute petite enfance seule, sans ses parents, et sans plus trop se préoccuper de leur encombrante progéniture jusqu'en 1939. Je l'ai rejoint à Paris en 1939, la situation pour moi en Allemagne nazie devenant de plus en plus périlleuse, quelques mois avant qu'on éclate la guerre mondiale. Il était temps. Nous sommes internés en tant qu'étrangers indésirables, mon père dès l'hiver 1939, ma mère avec moi au début 1940. Je reste 2 ans au camp de concentration, puis suis accueilli en 1942 par une maison d'enfants du Secours Suisse au Chambon-sur-Lignon, en pays cévenol protestant, où se cachent beaucoup de juifs, guettés comme moi, comme nous par la déportation. La même année, mon père est déporté du camp du Vernet pour une destination inconnue. C'est des années plus tard que ma mère et moi aurons notification officielle de sa mort à Auschwitz. Ma mère reste au camp jusqu'en janvier 1944. Elle mourra en décembre 1957 des suites d'une tuberculose pulmonaire contractée au camp. Alors, je pense qu'il vaut mieux que je saute un petit passage, j'y reviendrai après éventuellement, parce que je veux vous lire la, sans doute la partie la plus importante des textes que j'ai recueillis dans La Clé des songes, et qui, je l'espère, vous donneront le sens, le deuxième sens du titre. Donc, c'est à nouveau Grothendieck qui parle, et il va raconter un épisode qui est arrivé à son père. Donc, voilà ce que Grothendieck nous dit. Au cours de ces derniers mois, d'une telle densité par l'action de Dieu en moi, j'ai repensé parfois à un événement dans la vie de mon père qui a eu lieu longtemps avant ma naissance et auquel j'avais rarement eu l'occasion de penser. Il ne m'en a jamais parlé d'ailleurs, ni à âme qui vive, sauf à ma mère, dans les semaines de passion tumultueuse qui ont suivi leur rencontre en 1924. C'est elle qui m'en a parlé des années après sa mort. Il s'agit d'une expérience qu'il a eue en prison, dans sa 8e année de captivité, donc vers l'année 1914. C'était au terme d'un an de réclusion solitaire que lui avait valu une tentative d'évasion au cours d'un transfert d'une prison à l'autre. Ça a été sûrement l'année la plus dure de sa vie et qui aurait détruit ou brisé ou éteint plus d'un. Solitude totale, sans rien pour lire, ni écrire, ni s'occuper, dans une cellule isolée au milieu d'un étage désert, coupé même des bruits des vivants, sauf l'immuable et obsédant scénario quotidien, trois fois par jour, la brève apparition du gardien apportant la pitance, et le soir, une apparition éclair du directeur venant en personne inspecter la tête dure de la prison. Chaque jour s'étirait, comme un purgatoire sans fin. Il y en avait 365 à passer, avant qu'il ne soit à nouveau rattaché au monde des vivants avec des livres, un crayon. Il les a comptés, ces jours-là, ces éternités qu'il avait à franchir. Mais au bout du 365e, c'est à peine s'il pouvait saisir que c'était bel et bien la fin de son calvaire sans fin, et pendant les 3 jours suivants, encore rien. Au bout du 3e, à sa demande, l'année est passée maintenant, quand aurais-je des livres ? Un laconique « Attends » du directeur. 3 jours après, encore, pareil. On jouait avec lui, qui était livré à merci. Mais la révolte couvait, ulcérée, dans l'homme poussé à bout. Le lendemain, à peine prononcé la même réponse, impassible, « Attends », le lourd crachoir en cuivre à bord tranchant faillit fracasser le crâne de l'imprudent tourmenteur. Se jetant de côté juste à temps, il en sentit le souffle aux tempes, avant que le projectile s'écrase sur le mur opposé du corridor et qu'il rejette précipitamment derrière lui la lourde porte bardée. C'est miracle pour moi que mon père ne fût pas pendu sur le champ. Peut-être un scrupule de conscience du directeur qui, entre guillemets, craignait Dieu et qui sentait confusément, par la mort même qu'il avait frôlée de si près, qu'il avait été trop loin. Toujours est-il que le jeune révolté est battu comme plâtre, c'était la moindre des choses, puis jeté dans les fers, dans un cachot puant, dans l'obscurité totale, pour une durée indéterminée. Un jour sur trois, on ouvre les volets, et le jour relaye la nuit moite. Pourtant, la révolte n'est pas brisée, grève de la faim totale. Sans manger ni boire. Malgré le jeune corps qui obstinément veut vivre, l'âme ulcérée, rongée par l'impossible révolte et l'humiliation de l'impuissance, et les chairs gonflées débordant en bourrelets vitreux autour des anneaux de fer aux poignets et aux chevilles. C'était les jours où il a touché au fin fond de la misère humaine, consciente d'elle-même, celle du corps et celle de l'âme. C'est au terme du 6e jour de cachot, jour à volet ouvert, qu'eut lieu la chose inouïe, qui fut le secret le plus précieux et le mieux gardé de sa vie, dans les 10 années qui ont suivi. C'était une vague soudaine de lumière d'une intensité indicible, en 2 mouvements successifs, qui emplit sa cellule et le pénètre et l'emplit comme une eau profonde qui apaise et efface toute douleur, et comme un feu ardent qui brûle d'amour. Un amour sans borne pour tous les vivants, toute distinction d'amis et d'ennemis balayée, effacée. Je ne me rappelle pas que ma mère ait eu un nom tout prêt pour nommer cette expérience d'un autre qu'elle me rapportait. Je l'appellerai maintenant une illumination, état exceptionnel et éphémère, proche de ce que rapportent les témoignages de certains textes sacrés et de nombre de mystiques. Mais cette expérience se place ici en dehors de tout contexte qu'on appelle communément religieux. Cela faisait plus de 10 ans sûrement que mon père s'était détaché de l'emprise d'une religion pour ne jamais y revenir. Il est sûr pour moi, même sans avoir de précision à ce sujet, que cet événement a dû profondément transformer sa perception des choses et toute son attitude intérieure dans les jours et les semaines au moins qui ont suivi. Des jours de très dures épreuves, sûrement. Mais j'ai de bonnes raisons de croire que ni alors, ni plus tard, il n'a fait de tentative pour situer ce qui lui était advenu dans sa vision du monde et de lui-même. Ça n'a pas été pour lui l'amorce d'un travail intérieur en profondeur et de longue haleine qui aurait fait fructifier et se multiplier l'extraordinaire don qui lui avait été fait et confié. Il a dû lui réserver une case bien séparée comme un joyau qu'on serre dans un écrin fermé en se gardant de le mettre en contact avec le reste de sa vie. Pourtant, je n'ai aucun doute que cette grâce inouïe, qui avait en un instant changé l'excès d'une misère en indicible splendeur, était destinée non à être gardée ainsi sous clé, mais à irriguer et à féconder toute sa vie ultérieure. C'était une chance extraordinaire qui lui était offerte et qu'il n'a pas saisie, un pain dont il n'a mangé qu'une fois à pleine bouche et auquel il n'a plus touché. 10 ans plus tard, à la façon dont il s'en est ouvert à ma mère, dans l'ivresse de ses premières amours avec une femme qui allait le lier pieds et poings, c'était bien comme un bijou insolite et très précieux dont il lui aurait donné la primeur. Et quand elle m'en a parlé, plus de 20 ans plus tard encore, j'ai su qu'elle avait apprécié bel et bien et apprécié d'encore cet hommage jeté alors à ses pieds, accueilli avec empressement et comme un éclatant témoignage d'une communion totale avec l'homme adoré et d'une intimité qui n'a plus rien à sceller. Et moi-même, en l'entendant, jeune homme de 17 ans ou 18 ans, en ai pris connaissance avec un empressement ému tout semblable. J'ai vu, moi aussi, le bijou qui rehaussait encore pour moi l'éclat de ce père prestigieux et inégalable héros, en même temps que celui de ma mère, qui, seule entre tous les mortels, avait été jugée digne d'y avoir part. Ainsi, le pain donné par Dieu comme inépuisable nourriture d'une âme, laquelle peut-être croîtrait et en nourrirait d'autres âmes encore, a fini par devenir une parure de famille, venant rehausser la splendeur d'un mythe cher et alimenter une commune vanité. Merci. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Alain Cohn, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'analyse et géométrie, pour sa contribution à Alexandre Grothendieck, créateur réfugié en lui-même. Et en première partie, vous avez écouté Sébastien Balibar, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du laboratoire Pierre Aigrin à l'École normale supérieure, pour sa contribution « Savant réfugié, comment la physique quantique devint visible à l'œil nu ». Nous diffusons de larges extraits des différentes contributions du colloque « Migration, réfugiés, exil ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion. Sébastien Balibar a publié « La pomme et l'atome », 12 histoires de physique contemporaine chez Odile Jacob en 2016. Alain Cohn a publié avec Dany Chéreau et Jacques Dixmier « Le théâtre quantique, l'horloge des anges ici-bas » chez Odile Jacob en 2013. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Boris Boutleroff. Demain, suite du colloque sur les questions de l'exode, de l'exil et de l'asile, en compagnie d'Annie Cohen-Solal et de Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.